fam nou pa ni jou ferye. Mè yo gyal, ou ni full stamina. Ou ja priye kou mè gerye. Kamande karabin la, ou se yo gyal. Gyal bak it up. Une de Roma nous peut pas quitter en saïa. Independent gyal, fam tata faya. Fam kini club, fam kini faya. Moun passa pa les bay, l'agent roi c'est taïa. Fam un homme qui a fait fils, non ma femme qui a fait taïa. Materialiste, nous pas l'étala. Fam d'entreprise, fam kini maïla. Make me feel aïa. T'as la pas besoin pour bandit pour yéyé pour bay crédit. T'as la pas besoin de sang sinon qu'on balle pédé. Non, bay tout l'agent pas le dépôt pour me dire. As hinde, hinde. Hinde, independent girl, independent girl, independent girl, independent girl. Mas é que eu tô fazendo um trabalho, os animos. Développer coché, abdomino. Isso é abdomino. Isso é fesso kilo. A la jornada é formouquê. Condomino. Alright. Bon, j'ai bail tout en totalité. Moi, j'en dissipe, poum poum. Qualité. Et quand en real world, boy, pas get up pour l'amitié. Hinde, hinde, hinde, hinde. T'as la pas besoin pour bandit pour yéyé pour bail crédit. T'as la pas besoin de sang sinon qu'on balle pédé. Non, bail tout l'argent, pas le dit pour poum wedi. T'as hinde, hinde, hinde, hinde. Independent girl, independent girl, independent girl, independent girl, independent girl, independent girl, independent girl, independent girl, girl back it up. Une de Roma nous peut pas quitter en carrière. Independent gyal, fam tata faya. Fam kini club, fam kini faya. Moun passa pa les bay, l'agent roi c'est taïa. Fam un homme qui a fait crise, non ma femme qui a fait taïa. Materialiste, nous pas l'étala. Fam d'entreprise, fam kini maïla. Make me feel aïa. Real gyal is not fidèm, yeah. Belle fam nous pas ni jou. Mais yo gyal, on est full stamina. Ou j'a plié qu'on me guerrier. Ou commande carabine là, au sérieux. Yo yo, yeah, bomb is there. Kalashé dame, nous pas parler fort. Real world boy, quand ta femme qu'a géré quoi yo. Independent gyal. Mafio, mafio.